Hola, Carmen, hola, hola. Qui fra? Qui vient là? Tais-toi, tais-toi. Moi-même et j'entre. Ah, fille la belle, la joie n'est pas heureuse, c'est sa mésalliée, la femme d'un soldat, quand on a l'officier. Allons, décampe. Non! Si fait, tu partiras. Je ne partirai pas. Drôle! Tonnerre! Il va pleuvoir des coups. Diable, le jaloux! À moi! À moi! Bel officier! Mon cher monsieur, nous allons, s'il vous plaît, quitter cette demeure. Vous viendrez avec nous, viendrez avec nous. C'est une promenade. Enchanté, rayon des joies. Certains mots n'ont appris que votre argument et tant de ces auxquels on ne résiste guère. Sans faire pire.